rien être Christina Santander. Ensemble on tisse les chambres, le trottoir, le quartier, pendant 2 ans passés pour toujours. Quand j'avais 10 ans, ma sœur est tombée malade d'une gastro-entérite, outrée par son agonie. Ses médecins nous envoyèrent chez ma marraine, qui nous annonça le lendemain matin que Christina était décédée. Le firmament tombait, le soleil pâlissait, l'air se décomposait. L'âge ne diminue pas l'intensité des sentiments, l'autre amant. Toi et moi, grappes fragiles, qui ont fleuri dans les fissures d'une ville sinistre, des marchands et des danseurs, tentant un livide l'affection, indemne comme un crépuscule sans nuages, du bois pour les murs, les montagnes, de la matière éternelle, le sentiment. Départ inattendu et mon départ, où es-tu allé? Tes câlins, tes réponses, ils reviennent toujours. Ou petite sœur, mon amie, pourquoi es-tu venue, Christina? L'univers va-t-il souffrir? Les forêts, les villes étaient-elles à nous? Mes larmes coulent encore sur tes jours. Tu as aimé, tu es née alors, et tu partis. La vie arrive, mais l'amour, lui, est éternel au-delà. Ton innocence renaît à l'aube, à propos des rires criés des minuits aigres. Dans des paquebots cartons, on traverse la mer sur un radeau aussi vaste que la mer des Caraïbes. Les oiseaux jaunes croassent sous un ciel bleu, terre adoucie par les fruits tombés. Mes bras étaient des traînées de sable, colonnes auxquelles tu t'accroches. Entendre des rumeurs, voir ogres et gorgones, mirages sur l'eau. Dans ton immense vie et mon enfance, pas dans les jours noirs séparés, ni dans les condamnations, ni dans les bagarres de rue, pas même dans les exécutions publiques, loin de là. Le visage que je découvre devant le miroir m'est étranger. J'ai perdu le mien un matin de mars, à la périphérie d'une banlieue. Son firmament, ses eaux l'attendent encore. Raillé et apaisé, sur les traces de Gethsémani, avec ce sang dans ce sable, je retrouve ton affection sur d'autres visages. D'autres fois te le rappelleront, Christina, sans ton agonie, je n'aurais jamais compris l'incommensurable d'un amour ni les vastes prairies de l'éternité.